Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la chute de Tenochtitlan, l'actuel Mexico, en 1521. Les Espagnols ont fait d'un peuple qui était à son sommet un peuple d'esclaves, réduisant même les nobles, même les artistes au même niveau, les marquant même au fer rouge quand il le fallait. La prise de Tenochtitlan, l'actuel Mexico, par le conquistador espagnol Hernán Cortés en août 1521 marque le début de la fin de la civilisation aztèque et le prix que les conquérants espagnols feront payer aux Aztèques à la suite de leur défaite sera assez effroyable, comme en témoigne l'anthropologue franco-mexicain Paul Gendrop que vous venez d'entendre dans cet extrait à l'émission Formatrante en 1971. Ce qu'on appelle l'Empire aztèque n'aura au total duré qu'à peu près un siècle et il ne se sera écoulé que trois décennies entre l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique et la chute de Tenochtitlan, le cœur de ce fragile empire aztèque. Et si vous allez aujourd'hui à Mexico, ne cherchez pas une statue d'Hernán Cortés. En revanche, sur la Reforma, la plus belle avenue de la ville, eh bien, vous trouverez un monument magnifique. Et ce monument, c'est un monument à Cuauhtémoc, l'empereur élu, le dernier empereur qu'on avait élu pendant la bataille à Mexico, à Tenochtitlan, pendant le siège. Celui qui s'était rendu à Cortés et que Cortés avait fait torturer pour avoir son or, d'où la phrase célèbre de Cuauhtémoc à son compagnon qu'on torturait en même temps sur un lit de braise rougi. Et moi, crois-tu que je suis sur un lit de rose? À Mexico, pas un monument pour Hernán Cortés. Extrait de l'émission Alain Decaux raconte, diffusée en 1973, pour nous raconter la chute de Tenochtitlan, l'actuel Mexico, en 1521. Je reçois Hélène Rompré, qui est spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine et qui enseigne l'histoire au Collège international Sainte-Anne, dans la région de Montréal. Hélène Rompré, bonjour. Bonjour. Commençons par cet extrait qu'on vient d'entendre. Quels souvenirs garde-t-on aujourd'hui au Mexique et à Mexico en particulier de cette chute de la ville aux mains d'Hernán Cortés? Bien, je pense qu'il y a un grand tabou qui entoure le personnage d'Hernán Cortés. Les Mexicains sont très au fait que leur pays est né dans la violence, est né dans la destruction. Et c'est certain que aussi les motivations d'Hernán Cortés pour partir à la conquête du très impressionnant empire aztèque sont pas les plus louables. Il va pour s'enrichir personnellement, pour du prestige, pour des titres de noblesse. Ouais. Il veut, c'est vraiment son objectif. Donc, ça lui donne pas une excellente réputation. Il est certainement pas considéré comme un héros au Mexique. Parce que les Mexicains, aujourd'hui, continuent de... Ce vieil héritage, en fait, aztèque, ça continue, il s'identifie à ça. Oui, on va retrouver la figure de Cuauhtémoc, le dernier empereur aztèque, dans la littérature, dans les peintures mexicaines. Il va être omniprésent. Et les souffrances aussi qu'il a vécues, ça, on va le retrouver beaucoup plus que les gloires d'Hernán Cortés. Cela dit, à tous les Mexicains à qui j'ai posé la question, ils vont répéter que le métissage du Mexique les rend fiers. Ils sont fiers de venir d'un pays qui est à la fois né du grand empire aztèque et qui était un des plus sophistiqués de son époque, peut-être même plus, c'est encore discutable, on pourra en discuter longtemps, que l'Europe à la même époque. Mais ils sont aussi conscients que l'Europe a beaucoup influencé la culture moderne mexicaine. Donc, le concept du métissage est très important au Mexique. Ils en sont très fiers. Héritiers de différentes grandes civilisations, aztèques entre autres, mais la civilisation espagnole aussi, qui n'est pas la moindre non plus. C'est important. Quelle importance ça a, cette chute de l'actuel Mexico, dans l'histoire des Amériques, Hélène Rompré? Ah, c'est très important. En fait, les historiens se sont beaucoup penchés sur la question. Si on pense, par exemple, aux historiens du 19e siècle, ils vont présenter de façon irrévocable Cortés comme un grand héros, un conquistador qui a réussi tout seul, avec 500 hommes, à mettre mettre à genoux un empire de 15 millions de personnes. Et ça, c'est très exagéré. Oui. Mais, ça fait partie de la légende. Ça fait partie de la légende. Il y a beaucoup de légendes, d'ailleurs. On va le voir au cours de cette émission. Dans cette chute de Tenochtitlan, c'est toujours présent cet aspect réel à côté duquel se trouve un aspect légendaire, une espèce de fabulation. Il y a des personnages, d'ailleurs, qu'on va aborder qui incarnent bien cet aspect-là. Parlons quand même, avant d'aller plus loin dans notre récit, de la ville comme telle, la ville de Tenochtitlan, au moment de sa chute. À quoi ça ressemble, ce Mexico de l'époque, au début du 16e siècle? On écoute l'anthropologue Mireille Simoni Abbat en parler à l'émission Des livres et des hommes en 1977. Eh bien, de la vie même des chroniqueurs, elle était plus belle que toutes les villes d'Europe à la même époque. Elle avait été entièrement gagnée sur l'eau, puisque la ville était construite sur une lagune, si bien qu'elle était toujours chaussée et canaux côte à côte. On entrait en canal jusque dans le palais de l'empereur, qui était tellement grand et immense que un des chroniqueurs, Diaz del Castillo, dit qu'il n'a jamais réussi à en faire le tour. Et alors la ville était, les Aztèques et les Mexicains modernes ont toujours adoré les fleurs, si bien qu'il y avait des jardins en plus partout, sur les toits des maisons. L'architecture, on en sait peu de choses, mais était très complexe. Enfin, on sait qu'il y avait des palais à plusieurs étages. C'était une société très, très hiérarchisée. Enfin, autour de ce qui est actuellement le Zócalo de Mexico, la Grande Place, il y avait le Grand Temple, l'enceinte du Grand Temple, le palais de l'empereur qui était Moctezuma II au moment de l'arrivée des Espagnols, en face le palais de son père, enfin à peu près sur tout le quadrilatère de la Grande Place. Et puis au fur et à mesure qu'on s'éloignait du centre de la ville sacrée, on allait vers des petites maisons allant dans la banlieue à des simples fermes de roseaux au toit de paille. Alors au 16e siècle, au début du 16e siècle, les Nains ont pris Tenochtitlan, l'actuel Mexico, c'est vraiment l'une des plus grandes villes du monde. C'est peut-être même la plus grande ville du monde, ou peut-être une des trois plus grandes villes du monde. On parle, c'est difficile de savoir exactement combien de personnes vivaient à Tenochtitlan. J'allais dire Mexico, oui. C'est la même ville. Peut-être 250 000 habitants, peut-être même plus. Au 16e siècle. Et c'est encore plus intéressant de savoir que c'était construit sur un lac. Il faut imaginer la technologie. Plusieurs de ces îles-là, c'était des îles artificielles qu'ils avaient créées. Et plus la ville devenait grande, plus ils devaient créer ce qu'on appelle des chinampas, c'est-à-dire des îles flottantes, sur lesquelles ils pouvaient construire des villes qui étaient en pierre. Une architecture qui va influencer les villes européennes de la Renaissance parce que les conquistadors vont louanger l'urbanisme de la ville de Tenochtitlan. Oui. Donc, quand vous parliez de civilisation avancée, c'est là-dedans qu'on est, architecture, urbanisme. Il y a vraiment, culturellement, c'est très, très riche. C'est une des grandes villes du monde à ce moment-là. Comment expliquer que ce grand empire aussi, cet empire aztèque, si puissant en apparence, se soit écroulé si facilement et si rapidement, Hélène Rompré? Il y a plusieurs hypothèses qui l'expliquent. Une de celles-là, c'est l'autoritarisme de l'empereur. Donc, quand les Espagnols, et je vais en parler plus tard, réussissent à capturer l'empereur, on est tellement hiérarchisé dans la société aztèque qu'il y a un problème de commandement. Ça, c'est une des explications qui est donnée par les historiens. La tête tombant, tout le reste s'écroule. Oui, c'est ça, tout à fait. Une autre des explications, c'est que les Aztèques ont eu une expansion extrêmement rapide sur les peuples des environs. Si je vous donne des chiffres, là, ils commencent au 14e siècle à prendre de l'expansion, à sortir de leurs lacs et à aller prendre les peuples des alentours. Mais on parle d'un véritable empire aztèque seulement en 1428. Oui. Et c'est en 1521, donc moins d'un siècle plus tard, qu'ils vont tomber aux mains des Espagnols. Donc, vous comprendrez qu'un empire qui a une expansion aussi rapide a fait beaucoup la guerre. Mm-hmm. Et lorsqu'ils ont fait la guerre, ils vont avoir beaucoup d'ennemis. Ils vont lourdement imposer et taxer les peuples des environs. Et une des... Donc, pas très aimés par les peuples autour. Non. Ouais. Et en plus, ils vont garder des ennemis puissants. Pourquoi? Ils font des guerres rituelles qu'on appelle les guerres fleuries, ou les guerres des fleurs, qui ont pour seul but d'avoir des prisonniers pour faire des sacrifices humains. Donc, ils vont littéralement faire des guerres pour se pratiquer. La guerre, oui, parce qu'on a besoin de prisonniers qu'on sacrifie au nom de telle ou telle croyance. Oui, absolument. La religion. Ça crée de l'insatisfaction, ça, au fond. Beaucoup, même dans l'Empire même, il y a des gens qui regardent ça et qui sont... Il y a une colère qui gronde. Là. Absolument. Les Aztèques ont un besoin insatiable de sacrifices humains. D'ailleurs, les chroniqueurs espagnols qui vont louanger la beauté de Tenochtitlan vont dire le temple Templo Mayor, le temple qui est au centre de la ville, il y a une centaine de marches, c'est superbe, mais ça pue. Ça sent le cadavre. Il y a du sang sur toutes les marches parce qu'on a sacrifié tellement de prisonniers. Ouais. Bon, le grand architecte de la chute de Tenochtitlan, c'est Hernán Cortés. On écoute l'historien Pierre Chaunu nous présenter le bonhomme à l'émission Les grandes batailles du passé réalisée par Daniel Costel en 1974. Puis on va compléter ce portrait avec vous dans un instant, il est long prêt. Cortés, c'est un grand monsieur. Certes, il est originaire d'une famille, disons, c'est un noblaillon, c'est une famille de petite ou moyenne, d'assez petite et moyenne noblesse, certainement pas très riche, plutôt pauvre. Quand même, à l'âge de 15 ans, il est allé à Salamanque, il a fait des études que nous appellerions maintenant supérieures, il connaît les auteurs latins, c'est un humaniste, c'est un homme qui a reçu la formation scolastique à l'université de Salamanque. Et d'autre part, c'est incontestablement un très grand écrivain, c'est un maître de la littérature espagnole. On a comparé, et je crois avec raison, les lettres de relation, ces comptes rendus qu'il a envoyés périodiquement à Charles Quint, à l'empereur, on a pu les comparer aux commentaires sur la guerre des Gaules de César. Et Cortés n'est pas écrasé par la comparaison avec César. C'est un homme cultivé, et qui représente véritablement l'élite de la pensée et de l'action de son temps. Alors, complétons un peu sur la figure de Cortés. Comment décrire le personnage? Qui est-il, Hélène Rompré? Qu'est-ce qui l'amène en Amérique? Puis, au fond, comment décrire le chemin qu'il va emprunter ici? Donc, Hernán Cortés, c'est un hidalgo. Donc ça veut dire la petite noblesse, comme le disait M. Chaunu tout à l'heure. Il vient de l'Extrémadure. C'est une province assez pauvre en Espagne. Les possibilités d'avancement, quand on fait partie de la petite noblesse à cette époque-là, il va naître vers 1485, ne sont pas très grandes. Donc il sait que même s'il y a un certain talent pour les études, il pourrait devenir avocat, il sait que se joindre à ce nouveau mouvement, quand on est un être ambitieux, va nous permettre de s'enrichir personnellement. Et c'est vraiment comme ça qu'on définit les conquistadors. Il y a un certain mythe sur les conquistadors qu'ils étaient envoyés par le roi pour une raison ou une autre. Non, c'est pas ça. Les conquistadors, ce sont des entrepreneurs. Ils viennent en Amérique pour eux, dans le but de s'enrichir personnellement. Puis il y a aussi le mythe que les conquistadors cherchent l'or. Ils ne cherchent pas juste de l'or. Ils disent pas non à l'or. Mais ce qu'ils veulent, c'est des titres de noblesse. Ouais. Et ça, c'est important dans la société espagnole. Fortune et gloire personnelle. Oui, bon. Ils débarquent ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, ici, en Amérique? Oui, en Amérique. Ben, au départ, il va participer à des expéditions militaires pour la conquête de l'île de Cuba. Il va se joindre en 1511 avec celui qui va devenir le gouverneur de Cuba. Il s'appelle Diego Velázquez. Diego Velázquez, c'est un homme ambitieux aussi, qui va financer des expéditions sur les côtes mexicaines, qui est la prochaine étape, si on veut, de développement de l'Empire espagnol, en fait, comment l'Espagnol conçoit son futur empire. Mais il est méfiant, parce que Diego Velázquez aussi travaille pour lui-même. Ouais. Et il ne veut pas que ce jeune ambitieux Cortés prenne le dessus sur lui. Ce sont des rivaux, finalement. Ce sont des rivaux. Ouais. Et il va avoir des affaires de cœur mêlées à ça, toutes sortes de rumeurs à ce sujet-là, pourquoi ils se sont aimés puis se sont détestés. Toujours est-il qu'il va aider dans un premier temps Cortés à préparer et à financer des expéditions sur les côtes mexicaines, mais ensuite il va lui interdire de partir. Et c'est très important de comprendre ça pour comprendre la motivation de Cortés lorsqu'il va partir à la conquête de l'Empire aztèque. Il a désobéi. Il a désobéi et s'il retourne en arrière, lui et ses 508 hommes, ouais, il va certainement se ramasser en prison. Ouais. Ça va être une grande source de motivation. Il n'a d'autre choix que de réussir. Il ne peut que réussir. Ouais. Et Diego Velázquez va à plusieurs reprises envoyer des hommes à la poursuite de Cortés de manière à l'arrêter, mm-hmm, le capturer et le ramener à Cuba. Cortés, une de ses grandes qualités, c'est la diplomatie et apparemment c'est un homme extrêmement convaincant. Mm-hmm. Il va convaincre les hommes de Velázquez de se joindre à lui. Donc à chaque fois qu'il va avoir des ennemis qui vont arriver pour essayer de s'emparer de lui, il va grossir ses troupes. Mm-hmm. Et convaincre les conquistadors que l'Empire aztèque, c'est le but ultime, il faut le vaincre. Donc, il avance, et qu'il est capable. Il, ouais, débarque au Mexique, il va créer et fonder Veracruz. Oui. Il avance. Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il faut bien comprendre que les Aztèques voient débarquer ces Espagnols, pas si nombreux, quoique les troupes grossissent au fur et à mesure, mais il y a comme une espèce d'intimidation. C'est des dieux qui arrivent. On s'incline devant lui, au fond, un peu. Oui, c'est certain qu'il y a plusieurs livres d'histoire. Vous allez retrouver l'explication des Espagnols comme étant des dieux. De plus en plus, les historiens se méfient, ouais, de cette explication-là parce que ça vient des Espagnols. On a très peu de sources venant des Aztèques eux-mêmes. Les Espagnols, ils étaient très contents de dire qu'ils étaient, ouais, considérés comme des dieux. Et les Espagnols aussi, ils étaient dans une quête religieuse de conversion. Ouais. Donc, ils étaient fiers de dire que, justement, les peuple s'inclinait devant eux. Mais ils arrivent avec des armes. Oui. Et pour revenir à cette marche de Cortés, des chevaux. Et les chiens de guerre qui faisaient des ravages, qui étaient vraiment là, les chiens. Et les chevaux font partie des choses les plus intimidantes. Ouais. Parce que la poudre à canon, elle est très impressionnante, mais il fait tellement chaud qu'on peut supposer qu'elle n'était pas si efficace dans, mmh, les climats tropicaux. Et au fil de ces conquêtes, de ces terres conquises, évidemment, on lui fait des cadeaux. On est défait, on, oui, s'incline devant lui. Et l'un des cadeaux qu'on lui fera, c'est une femme, Malinché, donc, qu'on va offrir à Cortés. Et Malinché va devenir justement un personnage de légende. Elle existe, mais quand on disait au début de l'émission, Hélène Rompré, qu'il y a beaucoup de légendes dans cette histoire de la chute de Mexico, elle en fait partie, la Malinché. Qui est-elle, cette fameuse Malinché? Bien, on parlait des tabous entourant Cortés. Il y en a encore plus entourant la Malinché parce qu'elle est perçue au Mexique comme la plus grande traîtresse. Cette femme-là... En s'alliant aux Espagnols et à Cortés. Oui, absolument. Non seulement elle s'allie à lui, mais elle fait un enfant avec lui. Elle a tous les ingrédients pour devenir la femme traîtresse. Par contre, c'est une esclave. Il ne faut pas oublier qu'elle n'a peut-être pas eu une très belle vie, mm-hmm, et qu'elle est probablement adolescente à ce moment-là. C'est difficile. Il y en a aussi qui la voient comme une victime. Qui veut juste améliorer son sort, finalement. Oui, et elle a réussi. Oui. Elle est importante quand même pour Cortés. Elle va le conseiller. Plus qu'une traductrice, là. Elle a un rôle de conseillère. Absolument. Je veux dire... Cortés sans Malinché, moi, je suis convaincue qu'il serait allé beaucoup moins loin. Parce que Malinché, elle connaît la culture. Elle connaît la langue. Il faut penser que les Aztèques n'ont absolument aucune idée de ce que disent les Espagnols si elles ne les expliquent pas. Et elle travaille pour les Espagnols et elle les aide. Elle, ouais, les conseille. Elle connaît les alliances. Elle sait que si on va à tel peuple, on est capable de les convaincre de se liguer contre les, ouais, Aztèques. C'est une conseillère militaire autant qu'une traductrice. Et ça va être super important, ce jeu, la division. Il y a des tensions dans la région, on l'a vu. Les Aztèques sont détestés par certains autres peuples. Et Cortés, Edén Malinché, va en jouer de ça habilement. Le siège, le fameux siège qui va être fatal pour les Aztèques de Mexico, a lieu en 1521. Mais ce qui est fascinant, là, vous allez éclairer notre lanterne, c'est que Cortés se retrouve en 1519 avec ses hommes à Mexico, invité par l'empereur. Avec le recul, on se dit... C'est quoi l'erreur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Écoutez, Moctezuma II, c'est pas l'empereur qui va avoir la meilleure réputation de l'histoire. On sait pas pourquoi il a invité Cortés à l'intérieur des murs de sa ville. En ses murs. Ah oui, il l'a invité. Les Espagnols ont été extrêmement bien reçus. Ils ont reçu des bijoux, ils ont reçu des cadeaux. On les a hébergés, on a fait des banquets, on leur a fait des fêtes. Donc, Moctezuma a envoyé des émissaires à la rencontre de Cortés. Qu'est-ce qui lui a pris? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il croyait que c'était des dieux? Comme je l'ai dit, c'est peut-être un mythe. Est-ce qu'il voulait les intimider en leur montrant leur puissance? Est-ce qu'il voulait les amadouer? On ne saura jamais ce, ouais, qui s'est passé. Mais ça va mal se terminer, ça va mal se passer. passer, il y aura cette fameuse... Mais d'abord, il y aura une... Les Espagnols vont, à un moment donné, décapiter à peu près toute l'aristocratie aztèque, parce que les Aztèques, il faut le dire, mais vont aller à Veracruz, vont massacrer, eux, les Espagnols, pendant que Cortés est à Mexico. Et donc, pour se venger, Cortés va kidnapper l'empereur, il va le détenir pendant 8 mois, et ça nous conduit, tout ça... Donc, il y a de l'insatisfaction au cœur de la ville, et ça nous conduit à cette fameuse nuit du 30 juin au 1er juillet 1520, où tout bascule, qu'on appelle la nuit triste. Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là? Oui, donc les troupes de Cortés vont pratiquement être décimées. D'ailleurs, les Aztèques vont être certains qu'ils ont gagné. Les Espagnols sont en déroute. On va même dire dans les récits légendaires que Cortés a pleuré. Et il y a aussi la mort de l'empereur Moctezuma. Mm-hmm. On ne sait pas non plus qui l'a assassiné. Il y en a qui vont dire les Espagnols, il y en a qui vont dire le peuple lui-même insatisfait de son empereur. Ouais. Les sources se contredisent à ce sujet-là. Donc, les Espagnols fuient, ceux qui réussissent à survivre. Et puis, retour de situation complet, alors que tout a l'air d'être perdu pour les Espagnols. Ils vont réussir à revenir, donc, pour ce siège et pour la prise de la ville en 1521. Comment réussissent-ils leur coup? Bien, entre-temps, il y a une grosse épidémie. Et ça, il ne faut jamais oublier le rôle des épidémies dans la chute de Tenochtitlan. Les Aztèques vont vraiment être très affectés par la vérole. Et ça, ça va les aider. Ils vont aussi faire des alliances avec des ennemis, des Aztèques, entre autres les Tlaxcaltlans. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ils vont être plus de 200 000 à participer au siège de Tenochtitlan. Donc, les Espagnols ne seront pas seuls. Ils vont avoir beaucoup d'ennemis. Et plus les Aztèques vont se montrer faibles, plus les Espagnols vont gagner des ennemis. Les peuples qui détestent les Aztèques vont faire le calcul que c'est mieux de se joindre aux Espagnols que de rester avec les Aztèques. Qui sont de plus en plus faibles. Et le reste fait partie de l'histoire, comme on dit. Cortés devient ce qu'il voulait, en fait, riche et célèbre. Les Aztèques, on l'entendait au tout début, vont passer un très mauvais quart d'heure avec cette domination espagnole. En un mot, en terminant, les historiens d'aujourd'hui, quel regard ils portent sur cette chute de Mexico en 1521? Bien, c'est un regard biaisé par les sources. On a les sources espagnoles. Il nous manque la version des Aztèques. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de comprendre. On essaie de plus en plus de le comprendre par la tradition orale ou on essaie de chercher aussi par l'archéologie des réponses à cette explication-là. Mais sinon, c'est surtout le point de vue espagnol qu'on garde sur la conquête parce qu'eux se sont bien vantés de leur réussite incroyable. Et il ne faut pas leur enlever ça. Je pense que c'est un exploit militaire assez remarquable. Ouais. Et c'est l'incarnation à la fois de la chute d'un empire, l'empire aztèque, et de l'entreprise coloniale espagnole en Amérique, au Mexique et ailleurs en Amérique du Sud. Hélène Rompré, spécialiste de l'histoire d'Amérique latine, professeure d'histoire au Collège international Sainte-Anne dans la région de Montréal. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.